4. Paulin Bouvier, qui avait 18 ans, était le fils d'un ancien contremaître de l'usine, mort d'accident et fils lui-même d'un vieil ouvrier, à qui Romain de Berville accordait sa confiance. Le vieux Bouvier, sur la fin de sa vie, traitait en apprenti Antoine et René. Dans les annales de l'usine, la lignée des Bouviers accompagnait la dynastie des deux Berville. Et le dernier Bouvier, Paulin, avait pour marraine Madame Antoine. Seulement la mort prématurée du deuxième Bouvier, veuf et qui eut la tête cassée dans l'explosion d'une machine à vapeur, fit de Paulin cet orphelin qu'on n'ose pas abandonner, et dont la charge semble lourde. René l'eût envoyé au diable, si l'on peut ainsi parler, de grand cœur. Madame de Berville offrit de le prendre chez elle. René s'y opposa, car, disait-il, si l'on créait à plaisir de tels précédents, l'industrie était perdue. Les chambres avaient récemment promulgué la loi relative aux accidents du travail. Les lois ont leur fraîcheur séduisante, qui ne dure pas. Mais on croit, un peu de temps, qu'elles sont l'aurore d'une nouvelle humanité. Les ouvriers de l'usine accueillirent comme une aubaine l'infortune de Paulin. Ce garçon de 10 ans revendiqua, sans le savoir, une pension que les patrons devaient lui payer. « C'est bien, déclarait René, pas de charité, le prix marqué, j'aime mieux ça. » Paulin demeura chez de braves gens qui prélevaient sur sa pension leurs frais et qui l'envoyèrent à l'école. Là, il montra une telle vivacité d'intelligence que les ouvriers, tous les ouvriers de l'usine, étaient fiers de lui, avec tendresse et voire avec impertinence, comme si le succès du bambin consacrait leur réussite et préparait, pour l'avenir, leurs représailles. Il fut leur victoire attestée, leur espérance vague, et d'autant plus attrayante, le symbole de leur rancune heureuse. En outre, l'authentique bonhomie ouvrière trouvait en lui l'occasion de se signaler, d'être bienfaisante, coquette, gentille et ravigotée de haine, secourable réellement. Lorsque Paulin eut achevé ses classes, à l'école primaire, les ouvriers imaginèrent de le mettre au collège, où 4 années encore il étudia comme un petit bourgeois, lut passionnément, marqua sans peine sa supériorité, devint assez fat, devint surtout très chimérique. Puis, lasse des pédagogies et des disciplines, il annonça qu'il savait ce qu'il lui fallait savoir, et qu'il possédait, assurait-il, sa philosophie, et qu'il était tout prêt, car il avait pris ce langage, pour le service du prolétariat. Que faire de lui? À 16 ans, il n'allait pas tout de go répandre son génie efficace. Ses protecteurs furent assez embarrassés de lui, et se demandèrent où placer leur chef-d'œuvre. Il ne cachait pas, lui, son désir. Paris, la littérature et la Révolution, la gloire. Les ouvriers sentirent qu'il leur échappait. Et ils redoutèrent pour lui les déconvenus. Puis, le donnerait-il aux Parisiens? Non, il le garderait. Tu dis que tu veux servir le prolétariat, et tu ne connais pas l'usine, tu ne connais pas le travail. Il entrerait à l'usine et serait un ouvrier jusqu'au jour. Patience. René ne l'accepta qu'en rechignant. Il dut céder. Les ouvriers ne badinaient pas. Des grèves avaient éclaté dans la contrée. Pas d'imprudence. Mais René se méfia. En tout cas, Paulin serait un apprenti, et à son tour, serait un ouvrier comme les autres. Son père était mort à l'usine. Aussi le rembourserait-on régulièrement de cette perte. Il était intelligent et instruit. On verrait bien. D'ailleurs, quelle folie de l'avoir ainsi poussé dans des études inutiles. Un apprenti, un ouvrier comme les autres? À ce compte, oui. Madame de Berville adorait ce jeune garçon, le plaignait et n'était pas loin de l'admirer pour son originalité amusante. Depuis le temps de Romain de Berville, les rapports des ouvriers et des patrons avaient bien changé. René, à tout propos, le lui disait. Elle écoutait René. Elle ne le démentait pas. Mais il ne la persuadait aucunement. Romain de Berville ne déniait pas d'avoir chez lui, à sa table souvent, le vieux Bouvier. Pauline était la marraine de Paulin, et chapitrée par son beau-frère, ne faisait rien pour son filleul. Madame de Berville recevait Paulin, causait avec lui, l'avait à déjeuner tous les dimanches, le gâtait et le trouvait drôle. Et puis Paulin, par sa gaieté, divertissait Anatolie. Et Madame de Berville ne craignait rien tant que de donner à sa petite fille une vie ennuyeuse. Paulin, de 3 ans plus âgé qu'Anatolie, fut pour elle un compagnon d'enfance, plus tard une sorte d'ami, dont elle ignorait la petite condition. Mais lui ne l'oubliait pas, et il avait, jusque dans la familiarité, de la réserve. Entre Madame de Berville et René, maintes querelles vinrent de là. René ne pouvait pas souffrir que cette graine d'anarchie fût ainsi favorisée. Ce Paulin que ses ouvriers lui imposaient, sa mère le lui infligeait. et on lui préparait, on lui réchauffait à lui, René, son ennemi. Quand tout sauterait, on l'avouerait sans doute, mais trop tard. Et qui payerait pour les imprévoyants? Lui, René. Qui le prévoyait? Lui, René. Madame de Berville était insensible à ces mouvements d'éloquence où René se multipliait. Elle le laissait dire. Ensuite, elle répondait à demi-voix « Non ». Et on lui eût fait répéter 100 fois ce « non », pas autre chose. Or, depuis 15 mois que Paulin travaillait à l'usine, René le guettait. Il le trouvait. Paulin ne travaillait pas mal. Mais il avait des façons à lui, des façons étranges, saugrenues, et qui impatientaient René, et qui impatientaient aussi les ouvriers. Il affectait ou il avait naturellement des singularités de langage qui déroutaient et comprenaient pour de la moquerie. Il ne se moquait pas, mais il s'apercevait avec plaisir de ses différences et ne cherchait pas à les atténuer. Il les cultivait assez joliment. Il n'était ni maladroit, ni paresseux, ni désobéissant. Mais il n'entrait pas dans une équipe comme un autre, comme un chaînon dans la longueur d'une chaîne ou comme un rouage dans l'économie d'une machine. On l'avait là, et sa bonne volonté, on ne pouvait pas se servir de lui. Sans qu'on sût comment et sans qu'il le sût lui-même, il interrompait le passage d'un ordre, la continuité du geste qu'un individu commence et qu'un groupe accomplit. On l'avait surnommé l'artiste, et ainsi l'on ne méconnaissait pas la rareté de son esprit, mais on notait sa fâcheuse inutilité. On le prisait très haut, mais dans la besogne organisée où il était par trop incommode, on le secouait, et lui ne se rebiffait pas. Il tolérait la brusquerie avec une douceur où il y avait de la suffisance et où l'on soupçonnait de l'insolence dédaigneuse. Puis, rêvasseur plus que personne et au surplus fier de la solitude qu'on lui consentait, il avait comme des fringales de grands désirs de bavardage, et le bavardage tournait à l'apostolat. Ses idées lui faisaient du bruit dans la tête. Ses théories devenaient facilement des discours. On appréciait sa verve et la quantité de mots qu'il prodiguait. Plus d'une fois, René le surprit, dans le feu d'une improvisation brillante, et fit semblant de ne l'avoir ni vu ni entendu, parce que l'auditoire eût pris parti pour l'orateur. René tenait énergiquement sa famille et la gouvernait avec maîtrise. Il avait peur de ses ouvriers et ne les dirigeait qu'avec habileté. Mais il était extrêmement habile. Ses ruses préparées de loin, subtiles, patientes, ne manquait pas de leurs résultats. Paulin le gênait, et il se déférait du gaillard. Il fallait seulement réussir à le chasser avec l'agrément de l'usine. Or, Paulin, si populaire de prime abord, finirait bien par se perdre. Il userait sa popularité. Il ne serait pas plus malin, plus finement ménagé, de son prestige que ne l'est jamais un favori des foules. Et alors, à l'instant propice, le renvoie tout net. Il arriva que Paulin, cédant à l'orgueil et cédant à la séduction des idées, qui vous mène à leur guise par des chemins où l'erreur est délicieuse, modifia ses doctrines. Le socialisme un peu rudimentaire qu'il avait attrapé dans les journaux du parti ne le satisfit pas longtemps. Et puis, il était assez vaniteux pour se contenter mal de répéter ce que d'autres disaient. En outre, il se plaisait à jouer de sa force, et il souhaita confusément de la sentir plus souveraine s'il entraînait sa troupe de fidèles dans les détours plus difficiles de sa pensée. Il eut de la précaution, et il en eut de moins en moins. La résistance l'excitait, et bientôt le paradoxe l'enchanta. Il dénigra la lutte des classes, il en nia le principe, il railla les collectivités serviles et formula un évangile de soumission dévote à la nature, un évangile de douceur et d'aménité. Il était ravi de sa trouvaille et la répandait avec un zèle sincère et présomptueux. On le crut toqué, l'on en rit, mais il insista. Il ridiculisait les syndicats et hardiment blessait l'amour-propre des citoyens qui n'avaient pas honte de se ranger, comme un bétail, dans des troupeaux. Ils poussaient rudement la satire. Un matin, dès l'ouverture de l'atelier, la dispute commença. Elle s'envenima. L'un des compagnons secrétaires du syndicat prit pour lui les sarcasmes de Paulin et les prit mal. Comme il n'était pas orateur et que Paulin le réfutait avec aisance, il se mit en colère. Il donna de la voix. Ce fut un exclandre. Il injuria le galopin, le traita de vendu, nota que la propagande de Paulin, désastreuse pour les revendications ouvrières, faisait le beurre des patrons. Et que touchait-il pour sa trahison? Paulin souriait et goûtait à ses avanies une étrange volupté d'orgueil. Il était accusé, pourquoi ne se défendait-il pas? On le somma de se défendre. Assurément, les patrons avaient pour lui de la complaisance. Un autre que lui, ouvrier médiocre et faiseur de troubles, aurait été cassé au gage depuis des mois. Il méprisa de répondre, et il reçut des orions. Il souriait. et il disait « En vérité, je vous le dis ». Et il chantait un peu ses mots. On le traita de calotin, mais contre la violence, il redoublait de douceur. « En vérité, je vous le dis, laissez-vous tranquilles les uns les autres. » C'est alors que survint René, qui, sans se montrer jusque-là, épiait la scène. Il appela « Bouvier ». 2 minutes après, Paulin, chassé, quittait l'usine. Les ouvriers le virent s'en aller, et si plus d'un s'en attristait à part lui, pas un ne bougea. Le secrétaire du syndicat dit seulement « Pas de faux frères, un de moins, avis à d'autres ». Et il se tut. René, dans son bureau, se remit à ouvrir le courrier. C'était une opération pour laquelle il ne voulait pas d'assistance. Il eut volontiers fait le tour des ateliers et constaté que le renvoi de Paulin passait à merveille. Mais il songea qu'il valait mieux qu'on ne le vît pas. On l'approuvait mieux sans le voir. D'ailleurs, il n'avait aucun doute. Il se fiait au syndicat, dont l'assentiment le garantissait, et il se réjouissait de sa rouerie. « Bien manœuvré, se disait-il. » Sur son visage, on n'eut rien vu de son allégresse. Il avait un de ces visages si absolument dépourvus de toute physionomie que nul sentiment n'y apparaît. Et l'on attribue aux gens qui ont de ces visages une impassibilité qui très souvent leur fait défaut. René, pour avoir chassé Paulin, se félicitait avec complaisance. À l'église, l'heure sonna, 8h30, fin de la messe. Henriette, accompagnée de Pauline, traversait le parvis, entrait chez Madame de Berville. Et cette affaire encore s'arrangeait. Évidemment, cette affaire qui, 3/4 d'heure plus tôt, le tourmentait, devait s'arranger. Ne l'avait-il pas lui-même préparé lentement, avec la même adresse qui venait de si bien réussir dans le renvoi de Paulin? Il était fort et sûr de lui. Que n'allait-il lui-même chez sa mère apprendre qu'on lui cédait pour 20 000 francs la maison du parvis? Non, Madame de Berville était au monde la seule personne dont il ne sut vaincre la volonté. Henriette la persuaderait mieux. Du reste, en cas de refus, il interviendrait. Et comment? Il le savait. Paulin, en quittant l'usine, était allé tout droit chez lui changer d'habit, sans dimancher. Puis il était allé chez Madame de Berville, non pour se plaindre, mais enfin pour annoncer l'événement, très peu de minutes avant qu'on le fît appeler Anatolie. Il avait rencontré Anatolie dans l'antichambre, et voici, l'une des réussites de René pouvait compromettre l'autre, les deux machinations s'embrouillaient. Anatolie, indigné, tirait Paulin dans le salon. Le garçon, gêné de faire une entrée si bruyante, saluait et du geste du regard s'excusait. Anatolie prenait sa grand-mère à témoin. « C'est un peu fort. »« Ferme la porte, mon enfant, » dit pour gagner du temps Madame de Berville. « Tu nous laisses dans un courant d'air insupportable. » Paulin s'empressa de fermer la porte avec un soin quasi religieux et qu'il eût prolongé indéfiniment plutôt que d'avoir à se retourner vers les yeux furibonds de Madame René. Anatolie, elle, s'approcha de sa tante et lui dit sous le nez. « C'est ça que vous veniez annoncer à grand-mère ?» La tante ne s'attendait pas à une telle effronterie. Et puis tout chavirait dans sa tête. Elle ne comprenait pas que René, si habile, eût commis cette maladresse d'ajouter aux difficultés de son ambassade ce contretemps. Il lui semblait que se mêlait à ses combinaisons une facétie de la destinée, une facétie dont René, l'impeccable René, portait la faute. Provoquée par Anatolie, elle bredouilla. « Mais non, pas du tout, j'ignorais. » Pauline confirma ce renseignement. « Moi aussi, nous ignorions. » Et Paulin leur accorda son témoignage. « Ces dames ne pouvaient pas savoir. Il n'y a pas une demi-heure que ça s'est passé. Je suis venu tout de suite. » Un soufflet n'eût pas agi plus vite. Henriette s'éveilla de son incertitude. Elle lança. « Maintenant qu'un ouvrier est mis à la porte, avoue que nous ne mentons pas, tu voudras peut-être nous croire. » Anatolie était hors d'elle. « Pourquoi l'appelez-vous un ouvrier? Il n'est pas un ouvrier ici. Il est notre ami et votre filleul, tante Pauline. » Les tantes étaient debout, prêtes à sortir. Paulin murmurait « Je suis désolé, désolé ». Madame de Berville, d'abord offensée et peinée du renvoi de Paulin, ne parvenait pas à ne pas s'amuser du grand dépit très déconfit des belles-sœurs. Elle les regardait et regardait Anatolie, dressée comme un petit coq. Au moment où la scène prendrait une excessive acuité, elle aviserait, et jusque-là savourerait la comédie avec une perversité anodine. Il eut un silence tout chargé de menaces. Elle dit à Paulin « Va-t'en, mon petit, dans le jardin, je t'appellerai. » « Oui, Madame Romain. » Anatolie s'était assise et de rage pleurait. Henriette médita sa phrase et la possédant, l'énonça. « Je vous sais gré, maman, d'avoir donné la préférence à vos belles-filles sur ce garçon. »« Vous plaisantez, » répondit Madame de Berville, qui déjà tenait son idée et s'en promettait du plaisir. « Asseyez-vous, mais si, n'avez-vous pas à consulter Anatolie sur un projet ?» Henriette pensa défaillir. « Oh, pas à présent, je vous en prie. » Quoi donc? Fit Anatolie curieuse. Quoi donc? Rien, rien, répliquait Henriette. Et Pauline, un autre jour, nous reviendrons. Qu'est-ce que c'est encore? Reprit Anatolie, outragée, impérieuse, petite fille et qui, naïvement, se donnait de grands airs. Car on est simple dans la passion que t'as, avec effort, et après les déboires. Les tantes auraient bien voulu s'enfuir. Et mieux encore, elles auraient voulu n'avoir rien dit. Mais il n'y avait plus à tergiverser. Madame de Berville, en peu de mots, disait tout. Les Huronnais demandent que je leur cède notre maison. Notre maison? Excusez-moi, grand-mère, je ne comprends pas. Madame de Berville lui rappela que la maison devait un jour être à elle, à Anatolie, et qu'ainsi la décision dépendait seulement d'elle. Pourquoi veulent-ils notre maison? Pour l'habiter, répondit Madame de Berville. Henriette ajouta les bonnes raisons qu'il y avait à présenter. La difficulté pour René d'être sans cesse partagé entre l'usine et sa demeure, la nécessité, par le temps qui court, de surveiller plus que jamais les ouvriers, dont le mauvais esprit. Mais sur le mauvais esprit des ouvriers, elle buta. « Oui, Poulain, par exemple, » fit Anatolie acharnée. Henriette, un instant, avait eu un bon espoir. Il lui semblait qu'Anatolie s'adoucissait et ne prenait pas mal l'idée de renoncer à la vieille maison. Si l'incident de Poulain n'était pas tombé, dans l'heureuse combinaison de cette diplomatie, tout allait bien. Par quelle fatalité, René? Mais il fallait riposter, et vite. « Eh bien, oui, Poulain. Il est chassé, n'en parlons plus. Qui en parle? Toi ?» Mais reprit Anatolie avec tout ça, qu'est-ce que nous devenons, grand-mère et moi? Henriette n'osait pas répondre. Quand elle avait précédemment touché un mot de l'habitation charmante trouvée par elle et qui serait la perfection, Madame de Berville s'était fâchée. Oui, continuait Anatolie, j'entends bien. Nous déménagerons. Ma pauvre grand-mère, hein? Qu'est-ce que vous en dites? La vieille dame était émue, visiblement. Anatolie tentait. La vieille dame se récusa. Il ne s'agit pas de moi, petite. Anatolie, gentiment, protestait la contre. Madame de Berville ne le permit pas. « Non, non, je te dirai ma pensée. Dis la tienne. Oh, moi, je trouve qu'ils ont bien du tout paix. » Et Henriette, certainement, n'eût pas laissé passer ce bout de phrase. Mais elle sentait Anatolie hésitante et sacrifiait sa dignité aux chances d'une réponse favorable. « Enfin, dit-elle, que décides-tu » Anatolie avait imaginé ceci. « Je décide, et quel plaisir de décider, je décide qu'il faut d'abord que j'en cause avec grand-mère. »« Bien, » fit Henriette, qui avait espéré mieux et qui retournerait chez elle bredouille. Quelle humiliation! Écoutez, ce n'est pas tout. Je ne sais pas encore ce que nous déciderons, grand-mère et moi. Mais il y a une chose que vous pouvez dire à l'oncle René de ma part. Si je lui cède la maison, ce ne sera pas pour rien. Évidemment, ce n'est pas un cadeau qu'on te demande. À la bonne heure. Et Henriette, mentalement, déclarait cette petite fille intéressée plus qu'il ne sied à un enfant. Mais Anatolie posa ses conditions. L'oncle René prend la maison et en échange, il reprend Paulin. Ah, ça, je ne crois pas. Alors, tant pis, donnant, donnant. Les deux tantes étaient d'accord pour déclarer ses prétentions exorbitantes. Pouvait-on raisonnablement obliger un chef d'industrie à caner devant son personnel? Et aujourd'hui, quand les ouvriers sont d'une insolence inouïe, quand ils n'attendent pour s'emparer de tout qu'une faiblesse du patronat? Non, René n'accepterait pas ce marché. Il avait une conscience trop ferme et avertie de son rôle social et de ses devoirs de patron. « Alors je regrette, » dit simplement Anatolie. Pauline essaya d'intervenir. « Expliquez-lui, maman, l'impossibilité de ce qu'elle exige. Elle ne se rend pas compte. Et le sentiment qui la guide, la pitié qu'elle a de ce petit Paulin, lui fait honneur. Mais enfin... » Madame de Berville avança la tête, écarta les mains et se tut. « C'est à prendre ou à laisser, » conclut Anatolie. Henriette abasourdie, ne renonçait pas sans douleur à posséder cette maison qu'elle eût arrangée à sa guise, et fort bien, avec le luxe qu'une longue économie lui assurait. « Allons-nous-en, » dit Pauline. Et en effet, que tenter encore? Puis, les choses demeurant en l'état, les René n'avaient pas la maison. Pauline en catimini triomphait. « Mais Henriette, j'en parlerai à René, mais je doute. Au surplus, ça dépend de ce qu'a fait Paulin. Paulin? Mais rien du tout. Oh, s'il n'avait rien fait, tu penses bien que ton oncle? Rien du tout, rien du tout. » Anatolie ne voulait rien entendre, et les deux dames s'en allèrent, après avoir échangé avec leur belle-mère et leur nièce des baisers rapides, où Pauline fut chaleureuse. Mais Henriette, dans ses baisers de famille secs, précipités, avait l'air d'une poule qui donne du bec sur un grain.